Planète Rap. 100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français, juste après 10 folies de nocturne avec du son évidemment marseillais après cette grosse semaine dans Planète Rap en live avec Soprano. Une fois de plus, merci à toute l'équipe, à vous tous qui êtes passés aussi peut-être et qui êtes à l'écoute maintenant de la nocturne 100% rap français. On va débuter avec du son de Soprano, il y aura Alonso aussi et deux morceaux d'Alonso à la suite. Il y aura aussi Vald à découvrir dans la nocturne, Dossé, ce sera d'ici quelques minutes pour la nocturne 100% rap français, des sons de Dossé. Il y aura La Fouine avec Cozy, le XV Barbare qu'on dédicacera là-bas dans le 17ème sur Skyrock à écouter. Bref, coup d'envoi de cette nocturne 100% rap français avec Soprano, l'album sort lundi, Cosmopolitanie. Planète Rap, 100% rap français. C'est un morceau extrait de son album, un morceau qui s'appelle Kalash and Roses maintenant. C'est aujourd'hui en rentrant dans ta chambre que j'ai compris que t'étais vraiment plus là. Tu sais, j'ai toujours cru que j'allais enterrer mes parents, mais jamais mon enfant. Jamais. Jamais. Jamais. Jamais. Encore une étoile qui vient de s'éteindre. La nuit devient de plus en plus sombre. Comment consoler cette mère? Qui sait ce soir ce qu'est la fin du monde? On enterre ses parents mais pas ses enfants. C'est ce qu'elle m'a dit en pleurant dans mes bras. Ici c'est la Saint-Valentin. Les calaches ont encore offert des roses. Au pied d'une tombe, une rose arrosée dans les larmes d'une mère victime d'un cœur dévalisé. S-O-S-O-S. Combien de fils faut-il encore perdre pour qu'ils répondent enfin à l'appel? Faut-il que ça parte en guerre civile ou bien pire, en génocide? Ici les armes ne sont pas factices et nos petits anges se diabolisent. Le paradis est sous ses pieds, pourtant on lui fait vivre l'enfer. Encore un fils qu'on enterre, entend les cris d'une mère en détresse. Yeah. Ils ont tué mon bébé là. Et c'est quand les calaches parlent, c'est pour nous offrir des roses. Calash and roses, calash and roses, calash and roses, calash and roses, calash and roses, calash and roses, calash and roses, calash and roses. Encore une bougie qui vient de s'éteindre. Un an déjà que tu n'es plus de ce monde. Comment consoler cette mère qui élève seule son môme? On enterre son père mais pas son mari. C'est ce qu'elle m'a dit en pleurant dans mes bras. Ici c'est la Saint-Valentin. Les calaches ont encore offert des roses. Papa outé, papa outé, c'est ce qu'il pleure alcoolisé. Dans un bar du quartier, il se promet d'aller tous les shooter. Ici la vengeance est un boomerang et les armes à feu lassent le lang pour répondre à cette violence que le système ne peut plus masquer. Des billets dans la poche d'une balance, il démarre en deux roues cassées. Une voiture à l'arrêt, une détente qui se presse. Encore un fils qu'on enterre, entend une autre mère en détresse. Yeah. Posons les armes.

100% explicite lyrics. La nocturne. Avec la puissance nord maintenant dans la nocturne. Yeah. Aveuglé par la fumée, tu chill, tu chill. C'est la suite réalité, party boy. Marseille, quartier nord, crapuleux. Aveuglé par la fumée, tu chill, tu chill. Trop de nos petits frères trafic dans nos halls. Que des parasites et de la résine. Ma Marseille, poussez-vous, bande d'enculés. On aime le cash comme c'est plus de surjarrer. T'as fait le million, poteau, faut se ranger. La gourmandise provoque le danger. Souris, coude, pas ta porte, ils sont tombés. Gros moteur, pas à temps, faut se ranger. Bourré marron, hésite pas à se pencher. Tu veux de l'adrénaline, viens dans nos quartiers. Bélec, bélec, c'est trop crapuleux. Les flics nous veulent parce qu'on est trop vicieux. Tu rentres dans le bis, deviens ambitieux. Faut y aller quand faut les enculer. Susceptible, tu deviens rancunier. Tu fais parquet, tu veux plus reculer. Un acte, l'état fait que nous manipuler. Un sous-marin, on fait ça bien tous muets. Sans capote, envoie la purée. Pour amener des kilos, besoin des mulets. Travail propre, ciné brûlé, sous alcool, t'as vu ta vie défiler. Comme sur un vol voyant la vie se dessiner. Mirador, c'est ta destinée. Plus d'alors qui veulent nous tuer. Le 10 du mois, plus rien dans le budget. Égoïste, on nous cache des secrets. Et limite, au sol, vont se démasquer. Parle pas trop fort, on n'est pas se faire remarquer. On planque le banquet dès qu'on voit la madre. Nuages de fumée dans nos quartiers cramés. Marseillais, au QN si on y est. Aveuglé par la fumée, du shit, du shit. C'est la seule réalité. Party boy, Marseille, quartier nord. Ouvre le fenêtre, ça chling, hashtag, ça sale la marque, prenez la schneck. Moule à faire comme Shrek dans le mur, je veux du liquide, pas de chèque, on passe comme des schnells. Aveuglé par le chiffre squad, depuis tu get death, tu squad, d'aller all en train de gêner au guetté. Attiré par les gauches droites, ça va vite, cher, t'inquiète, laisse-moi faire, on va les guinter. Et t'as le total, garde-toi, dans le noir, cagoulé, calaché, ça va se gâter. Je les vois dans leur bolide, confichant, trop facile la cible, je peux pas les manquer. Dans le parking, t'as qu'à voir la fumée, dernier joint, qui vont fumer, comme rien, et maghrébin de France, aveuglé par la fumée, c'est un fou, mais tout est filmé. La presse qui vient confirmer, partir pour plus revenir. Aveuglé par le shit, tu restes ici. Tu vas finir comme pas, coup pour pas. Résurrection, non, ça tu peux pas. Revois ta vie ailleurs pour toi, c'est impossible. Lâche-moi les pompes. Aveuglé par la fumée, tu chies, tu chies. C'est la toute réalité. Party boy, Marseille, quartier nord, crapuleux. Aveuglé par la fumée, tu chies, tu chies. Trop de nos petits frères trafiquent dans nos halls. Et de la résine, prenne pas ici. Planète Rap, 100% explicite lyrics. J'ai fait les quatre coins de la France. Je vois que c'est la même partout. La rue te prend, la rue te tue, gros. Mais tout ça, tu connais. Je pourrais jamais me laisser me la faire mettre. C'est dans nos gènes, puis la maternelle. Je vais tout perdre et c'est la vie, gros. Il y aura plus de mitraillettes et de micro. Je suis un vrai soldat. je suis dépendant comme un putain de vulgaire toxico. Y'a ce loyer, moi je veux partir en vacances. Si t'as 3 millions, dis-moi tu reviens quand. La cagoule et le bloc, je prends 50 en 3 minutes. Allez, t'as fait pour 1000 E, personne va gober la pilule. Je n'ai plus le bon profil pour être un garangé. Frérot, juste avant de partir, je voudrais me venger. La rue c'est ma femme, c'est plus qu'un ami. J'y étais, j'y suis, cicatrice à vie. J'ai dormi dehors, j'ai braqué de l'or. Mieux que Sébastien Loeb, j'ai piloté ses morts. Cette pute à qui j'ai tout donné, elle m'a pas nourri, j'ai tout volé. Je lui ai pris la crime et même un bébé. J'suis un vrai soldat. Rap français 100% explicit lyrics. La nocturne. Qu'est-ce que ces négros me veulent? Qu'est-ce que ces négros me veulent? Qu'est-ce que ces robes me veulent? Qu'est-ce que ces robes me veulent? Qu'est-ce que ces négros me veulent? Qu'est-ce que ces négros me veulent? Seigneur, dites-moi ce que ces rebeux me veulent. Je sais pas ce que ces rebeux me veulent. Je crois qu'ils en veulent à ma monnaie. Qu'ils en veulent à ma monnaie. Me faire, me faire ma grande gueule. Voir ma famille en deuil. Je sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. Je sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. Maman, je sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. Prennent pour un illuminati. Je sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. Je sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. Maman, je sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. Prennent pour un illuminati. Money, chiffre, oseille, bif, bon chat, réussite, jalousie, boum. Ami, ennemi, famille, fou, souci, gamousse, crime, vroom. Money, chiffre, oseille, bif, bon chat, réussite, jalousie, boum. Ami, ennemi, famille, fou, souci, gamousse, périph, vroom. Vrai négro, faut vrai dise. Gloire à Dieu, mes affaires se concrétisent. Il y a encore peu de temps, j'étais quasi dans le gouffre. Soucis qui rendent ouf, avenir qui sent le souffre. J'étais là bien avant la plupart d'entre eux. Je les ai vus me dépasser, puis monter. Croire qu'ils étaient vraiment importants dans ce jeu. Puis je les ai quittés, flopés, tombés. Pendant ce temps, Yuri devait faire rentrer les dos. La journée comme toi, j'allais me tuer au Vaitra. À la tombée du soir, j'étais avec mon négro Joe. J'ai cher à la douane belge, en train de faire un sage pas. J'ai tout 30 berges et j'ai toujours pas le mili. Mais je reste persuasif comme un putain de mind mili. C'est pour mes boys, pas des mes kids comme Billy. Pour mon 45 ans, Lil Vice, Fini. Fini, Fini, Fitchy. J'suis béni, j't'ai dit, bitches. Dans quelques mois, tout ce game de victime voudra me gober les yeux comme des leeches. Leur cœur est bien trop factice, leur œil trop actif. J'prie le Dieu qui l'en immunise, ma team. Ils ne verront pas le taf accompli, sont en train de dire que j'étais qu'un illuminati. Qu'est-ce que ces négros me veulent? Qu'est-ce que ces négros me veulent? Seigneur, dites-moi ce que ces rebeux me veulent. Je sais pas si ces rebeux me veulent. Je crois qu'ils en veulent à ma monnaie. Qu'ils en veulent à ma monnaie. Me faire, me faire ma grande gueule. Voir ma famille en deuil. Je sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. Je sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. Maman, je sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. Prennent pour un illuminati. Je sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. Je sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. Maman, je sais pas ce qu'ils ont pu inhaler. Prennent pour un illuminati. Money, chiffre, oseille, bif, bon chat, réussite, jalousie, boum. Ami, ennemi, famille, fou, souci, gamos, périph, vroom. Money, chiffre, oseille, bif, bon chat, réussite, jalousie, boum. Ami, ennemi, famille, fou, souci, gamos, périph, vroom. Qu'est-ce que ces négros me veulent? Qu'est-ce que ces négros me veulent? Qu'est-ce que ces rebeux me veulent? C'est dossé dans la nocturne 100% rap français. Qu'est-ce que ces rebeux me veulent? Illuminati. Nouvelle signature Def Jam dossé. Autre signature Def Jam qu'on va écouter maintenant, c'est Caris. Et puis celui qui viendra bientôt dans Planète Rap dans 15 jours, Gradure.

pénétration. À l'armée j'avais mon fama, c'est un peu dans le casse. Un peu dans le casse. Ouais je répète, c'est un peu dans le casse. Le petit Grady a changé, devenu mauvais garçon. Sur du Grady on fait des pompes des tractions. Dans le petit car j'avais mon bloc et du shit dans le casse. Ouais je répète, du shit dans le casse. Tous les gays te font du mal, ouais fais attention. On s'en bat les couilles du rap game, négro. Tous ces rappeurs nous critiquent, ouais, c'est qui crée, négro. On s'y fera jamais comme eux pour entrer en dur. Écoutez pas les mecs de thèse dans les blocs des putains de guerre. Putain, mon son ainsi tous les négros braqués. Bah, les couilles, quand je monte en scène, rebeu, c'est la rue qui me baquait. Fais attention, autour de moi y'a plein de gens. Radio, c'est le plus gentil, mais derrière moi, négro, sont méchants, ouais. Je les respectais tous quand je les écoutais sur YouTube. Maintenant c'est Gradur qui frappe les négros titubes. Je viens de faire en 7 mois ce qu'ils ont jamais fait en 15 ans. Bah ouais qu'ils sont jaloux, ouais tu crois que je plaisante. Tout checks m'a dit wallah Gradur fais leur la misère. Rafale tous ces pétés dans mon régiment. Le game je l'ai mis dans le cul, il arrête pas de saigner. C'est pas d'un vol ma bite, maintenant je vais signer. Sur du Gradur fait des pompes des tractions. À l'armée j'avais mon fama, c'est un peu dans le casse. Ouais je répète, c'est un peu dans le casse. Le petit Grady a changé, devenu mauvais garçon. Sur du Gradur fait des pompes des tractions. Un petit car j'avais mon Glock et du shit dans le casse. Ouais je répète, du shit dans le casse. Deux jégettes font du mal, ouais fais attention. La nocturne. LOR, je t'oublie pas. Jamais. Succombe blaze. Reste fort. Toujours. BBP, Dollar, INCH, Nasdal, ROC, Giorgio, DF, Bazou, Abakar, Screech, Goon, Jarod, Will Sketch, l'animalerie, tout le monde, tous ces gens, Sirius, le virus le plus sérieux. Je fais pas de zik, pédophile satanique pour le Zeyo. Juste au cas où le très haut rapplique, m'explique qu'il existe et que mes codes vont plaire au cabot. De l'enfer à jamais, de l'enfer, je ramène, c'est mes rimes, je te jure, ça ranime. Même ta mamie, ça va vite, ça fait val débile. La fuite vaginale à la rive, c'est la vie. Serre, chaque anniversaire, j'ai de nouveaux MC pour mon dessert. Je vais finir obèse, débile et hautain, aigri des autres mecs, comme un ovaire féministe. Vous me faites plus rêver, ça m'énerve, j'aimais bien. Bien sûr que j'aimais bien, c'est Gus qui me parlait de rien, de pute et de bien. Bien plus que de bien, oui, de bis qui se gagnait. Dans des districts mystiques, à l'heure où les villes-ci se battaient pour des sixties. Chargé que j'ai la peau d'un mec né dans les sixties. Oui, fils de pute, c'est moi caché. Donc tu vas tâcher. Bien faire gaffe à ta moustache et pas me fâcher. Ou ton polo tapette, je vais le tâcher. T'aspèche. Sors le bourbon, j'arrive. Non mais bourgeon de prêche. Je braque les fourgons de la brique. Savez-vous qu'on pèse tout. Ma clique passe là, fous le cri de joie, barre, tout t'attise pas, barre. Ma clique passe là, fous le cri de joie, barre, tout t'attise pas, barre, tout t'attends. Sors le bourbon, j'arrive. Dans mes bourgeons de trêve, je braque les fourgons de la brique. Savez-vous qu'on pèse tout. Ma clique passe là, fous le cri de joie, barre, tout t'attise pas, barre. Ma clique passe là, fous le cri de joie, barre, tout t'attise pas, barre, tout t'attends. Okidoki, zogin, vorim, vos stylo, big morve. Okidoki, zogin, vorim, vos stylo, big morve. Okidoki, zogin, vorim, vos stylo, big morve. Flody, mon dis, j'ai le stylo, big or. Je ramène la paix comme une bombe nucléaire. Maçon sur mes nerfs, niaxon sur mes lèvres. Chaque seconde, j'évolue, car dans le bulletex, j'ai mis l'uranium. Quand je possillonne, je casse tron, nuque et tête. Oui, tron, nuque et tête. Tron, nuque et tête, je casse tron, nuque et tête. Quatre fois, je fais le don du décès à chaque strophe. Plus d'or, j'ai ma tombe à custom. Je vis dans un film érotique. Où les figurantes sexy, même plus correctement, c'est le bordel, je te mens pas. Faudrait que tu vois

Moi je vous prends à droit. T'ouvres ta tèche au studio, je te ken dans les laitoirs. Je fais du sale, tu fais le ménage, ferme ta gueule et nettoie. T'es bonne, je te baisse direct. Pas le temps de mettre des doigts. Conduire ou me faire sucer, Renoir, je fais les deux. Argent propre, sale, ouais, je fais les deux. Parler ou m'envier, Renoir, tu fais les deux. Tirer dessus ou taser, ce soir, je fais les deux. Je fais les deux, je fais les deux. Je fais les deux, je fais les deux. Je fais les deux, je fais les deux. Je fais les deux, je fais les deux. Je fais les deux. Rap français, planète rap. La nocturne. Belle capote à ketchup, belle capote à ketchup. Belle capote à ketchup, belle capote à ketchup. Ils veulent pas balle dans ta tête, nous on t'enchaîne. Sans le rater, y'a le loup, y'a la chaîne. Tu parles, on tape, direct dans le coffre, nous on t'enchaîne. Pas besoin de talisman, armé comme un taliban. Belle et capable de faire ketchup, belle et capable de faire ketchup. Belle et capable de faire ketchup, belle et capable de faire ketchup. Belle et capable de faire ketchup, belle et capable de faire ketchup. Belle et capable de faire ketchup, belle et capable de faire ketchup. Belle et capable de faire poulet, belle et capable de faire ketchup. On t'attache, on te met dans le coffre. Toi tu parles mal mais tu perds tes couilles devant le Glock. J'ai l'impression que c'est vrai, disais plus le reste, je les fuck. Eux ils font grave JP, mérite une balle dans le torse. On est pépère au calme, on s'agit dans le gamos. Magique, magique, te fais l'effet d'une bastos. Pas besoin de sortir le clic, juste le slash, tel un vrai chicanos. Rien qui parle de bif, mais non pas de quoi payer le tacos. Si tu douilles, on te retrouve dans ta rose. On te fait remonter le tarot. Y'a que pour le bif, la nuit que je barreau. T'as peur sa poteau, je vois que tout le monde est paro. J'enchaîne les classiques pendant que tu restes assis. À se moquer la dope et à siroter la ligne. De la haine, sache que personne t'assiste. Mon blaze est chaque messe, on voit l'instru, je la lime. Pardonnez-les, ou bien pendez-les. Peu m'importe qu'on ne respire pas le même air. Tire dans la foulée, je te vois t'affoler. On m'a dit que t'es chaud, je te vois, t'en as pas l'air. En bas ton trèfle, j'ai pété mon 4 feuilles. Faut que la bague tout dans la tête aux 4 fouilles. Ne cours pas, t'inquiète, Tigo, y'a foi. Mais je vais t'éliminer pour te montrer que j'ai pas soif. J'ai le S, tu sais que c'est bête. Opinez tous dans le sabbat. Qu'est-ce que soit ton plan, je sabote. Je pourrais te fumer, mais toi, je te crapote. Passe à ma gauche pour la douce. Passe à ma droite pour la dure. Et ce bébé, c'est la hure. Que cramer musique, on produit que la pure. J'ai donné le feu vert. Tout allumé au feu rouge. Après ce coup si vert. J'te ketchup sous ta douche. Et j'ai dans le muguet. Là du coup t'as bugué. Demain t'as tout méga. Et ça dit bon mégué. Il veut pas pas. Il veut pas balle dans ta tête, nous on t'enchaîne. Sans le rater, y'a le loup, y'a la chaîne. Tu parles, on tape, direct dans le coffre, nous on t'enchaîne. Pas besoin de talisman, armé comme un taliban. Belle et capable de faire ketchup, belle et capable de faire ketchup. Belle et capable de faire ketchup, belle et capable de faire poulet. Belle et capable de faire ketchup, belle et capable de faire ketchup. Belle et capable de faire ketchup, belle et capable de faire ketchup. Belle et capable de faire poulet. Belle et capable de faire ketchup. Si tu veux michetonner, je te mets sur le trottoir. Un talent, un temps d'avance. Pour les autres, c'est trop tard. Si t'en demandes, je t'en donne. Si tu fais trop chier, tu dors. J'fume mon trop de fumée dans le bloc. Mon nine à la main, si je te croise en chemin, pour toi ça sent la mort. On fait ça pour rien, si t'es pas d'accord. Changement de décor. On baisse ta pute de temps en temps, elle s'accroche vite, ça devient ma petite habitude. Moi je suis dans la hure, j'aime bien déformer ton gros hut. Mes bitches, il me faut des thunes. Quand je me décide d'arrêter, j'arrête. J'ai les outils pour te faire ta fête. Sortez les cons, c'est les tailles. Sortez les cons, c'est les tailles. Rue HLS, c'est vénère sur le corner. Quand ça pue, mets la tempête. Contrôle plus vite ta mère, la pute. J'ai que Astic dans la poquette. Je rentre tes mal. Je roule en plein phare pour éblouir la barre. Mes négos sont black. Mais toujours chinette, qui était mon gadi bleu. Ma gueule on t'attache. La belle personne où je tirais dans le tas. Tout se passait dans le bac. pour éviter que les putains de vieilles parlent. Vas-y, on s'arrache. La gauche, on la consomme. La haine, on la postonne. Et si tu ramènes de la semi pour niquer la zone, on te saigne. Ça se moque la dope, et rien que ça dit le du shit en excès. Je prie le paradis pendant que t'appelles la mort. Et quand je paye la mort, c'est toi qui en paye le prix. Si tu balances, on t'attend, on te prend, on te met dans le coffre, on te bute. Bombé et le torse, on compète, passe les rapports, on te travaille même si t'es corse. Ils veulent pas balle dans ta tête, nous on t'enchaîne. Sans le rater, y'a le loup, y'a la chaîne. Tu parles, on tape, direct dans le coffre, nous on t'enchaîne. Pas besoin de talisman, armé comme un taliban. Belle est capable de faire ketchup, belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup, belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire boulot. Belle est capable de faire ketchup. Toujours présent sur le nerco. En bas du bâtiment, je vais rafaler le merco. Ouais, ça roule en OCB, plus tard ça roule en merco. RM ou KTM, gros moteur débridé. Roulin, pur et frité, ton meilleur est vridé. C'est pas, t'as nous, c'est l'instru qu'on termine. Clique, des gremlins, c'est vermine. Je veux des dinars, euros, dollars et des livres sterling. Gros son énervé, agité dans la berline. XV barbare, la souffrance nous connaît. La clientèle m'en arrête abonné. C'est la concurrence qu'on est venu cogner. Et sous la seule ma gueule que je vais déconner. Moi je suis dans le vaisseau, ouais, j'ai déjà décollé. On n'a pas fini de bien vous étonner. Moi je fais ton thème thème quand tu fais du poney. Y'a ce 50 dans la poche. Tous mes négros engagent mes rebeux dans la batte. On défonce ta porte. La Barry White est gaufrée sous le porte. Même au comico nous on nique les portes. Si tu nous chasses, vas-y viens à bord. Balle dans le corps, on est trop hardcore. Moi et mes négros on fuck. Rien qu'on fume de la buffon. Rebeux, c'est pas des lobes. On drague à long décalé sous un trait direct, on s'envole. Les bruits qu'on pète, c'est frotte l'arrière-train. Dans mon wagon, j'en ai niqué plus d'un. Je suis dans la cuisine, je coupe le butin. Qu'est-ce que t'attends, mais shoot le putain. Parce que t'as fait, tu perds tes couilles. Nous à Paname, on parle pas trop. Faut que la bague là, c'est blindé. Tu peux me voir vers PSO. Ils veulent pas balle dans ta tête, nous on t'enchaîne. Sur le raté, y'a le loup, y'a la chaîne. Tu parles, on t'a direct dans le coffre, nous on t'enchaîne. Pas besoin de talisman, armé comme un taliban. Belle est capable de faire ketchup, belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire boulot. Belle est capable de faire ketchup. La nocturne. Barbares, gloire à tous mes barbares. Longue vie à tous mes barbares. Tu t'imagines rencontrer ma mère, rencontrer mes frères, me faire de nombreux bébés. La bague à l'annulaire, je te dispute ton mère, tout ça en week-end d'été. On va se mentir, prends-moi sur le moment, vivons l'instant présent, demain c'est moi mon bébé. On va se mentir, mon bébé. On va se mentir, mon bébé. Yep. Qu'allons-nous faire maintenant? Veux-tu qu'on perde nos temps à parler de nos sentiments? Veux-tu que je te mente en disant ce que tu veux entendre? Déshabille-toi sans oublier tes sous-vêtements. Prends soin de moi comme un bébé. Dehors c'est chaud, y'a que dans tes bras que je me sens vraiment en paix. Entre tes hanches c'est fou, je perds la notion du danger. Si on me tue trois balles dans le dos comme l'abeille, iras-tu me venger? Ensemble nous sommes mignons comme tout. On fume, on tise, on baise, ensemble on parle de tout. Sans parler d'amour, pas de ça entre nous. De tout ce qui sort notre bouche, c'est le seul sujet tabou. Embrasse-moi fort, mon bébé, plus fort, mon bébé. Laisse sur moi l'odeur de ton corps. Bébé, vivons d'instant présent, encore et encore. Demain, c'est loin et se projeter demande trop d'efforts. Yeah. Rencontrer ma mère, rencontrer mes frères, me faire de nombreux bébés. Je te mets la bague à l'annulaire, je te dis speed, mon mère, tout ça en week-end d'été. On va se ensemble parce que tu parles pas trop. Mais tu me balances des yeux, t'aimes dès que débute l'intro. Tu me connais que du net, apparemment tu m'aimes trop. Toi tu connais pas le prénom, toi tu connais que des mots. On s'est exilé autour, à l'éclore des soirées poteaux. On t'entendait crier parce qu'il baisse comme un taureau. Je rentre pas dans les détails, de toute façon c'est prouvé. Y'a que celles qui ont pas su, c'est qui peuvent désapprouver. Et je l'offre pour toi bébé, je crois qu'au fond on est pareil. Et si t'as des doutes, appelle-moi qu'ils disparaissent. Je te l'ai jamais dit, mais bientôt je compte t'épouser. Et si tu crois ces conneries, donc cocotte, là je t'arrête. Prends bien tes pilules et ne me parle pas de marmot. Et ne me prends pas pour un con juste parce qu'on a tarot. Et si tu me gardes pour deux mois, là je te dirai bravo. Je t'en veux de pas connaître le prénom car tu connais que des mots. Tu connais que des mots. Rencontrer ma mère, rencontrer mes frères, me faire de nombreux bébés. Je te mets la bague à l'annulaire, je te dis bidon mère, tout ça un week-end d'été. Prends-moi sur le moment, vivons l'instant présent, demain c'est moi mon bébé. Mon bébé. Tu veux être avec moi? Est-ce que t'assumeras mon train de vie? Des fois je rentrerai tard le soir, avec les cheveux d'une autre fille. Tu t'imagines une vie de rêve, mais moi je vis une vie de merde. En vrai je rentrerai pas le soir, tout seul en larmes dans ce pauvre lit. C'était juste pour le fun, mais toi tu comprends pas. Arrête tes petits, je veux pas rencontrer tes remparts. Tu t'imagines trop de choses, et peut-être que j'en aime une autre. Et puis va dire à toutes tes copines qui te servent de radar que je les emmerde et puis je suis un bâtard. En vrai j'ai pas besoin de love. D'abord faut que je fasse rentrer plein de l'eau. Embrasse-moi. Rencontrer ma mère, rencontrer mes frères, me faire de nombreux bébés. Je te mets la bague à l'annulaire, je te dis bidon mère, tout ça en week-end d'été. Prends-moi sur le moment, vivons l'instant présent, demain c'est moi mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. C'est la nocturne avec MZ. MZ, embrasse-moi dans la nocturne. À venir, le son d'Ali au pétrodollar gyrochrome sur les chroniques du Wattie Boss. Et il y aura aussi du son de Kennedy dans un instant. Planète rap, 100% rap français. Au boulevard de la Hesse. Au boulevard de la Hesse. Zavid, réside dans les 64 boulevards de la Hesse. Zavid, réside dans les 64 boulevards de la Hesse. Dans ma tête, je suis déjà vieux. J'ai même plus pourquoi j'ai la haine. Le soir, je demande pardon à Dieu. Le lendemain matin, je fais la même. Depuis petit, je vis la nuit. La lune est devenue mon soleil. Pour résoudre mes ennuis, je réfléchis même dans mon sommeil. Ils jouent les gangsters, mais ces gars sont innocents. La rue nous respecte parce qu'elle a vu couler nos sangs. Habitués au risque, on a perdu les notions. Anesthésie au shit, on a même plus d'émotions. Perquise, expulsion, chez nous c'est la routine. Les tristes pulsions, vénère à la poutine. Plus que Marley, mène la vie de Marlowe. Arrête de parler, c'est la mon parlu. Pas du 6, sur scène on fout le feu sans artifice. On aime les poulets que dans les boîtes de 6. Si personne te drague, y'a que les balles qui tiffent. Des familles et des toxicos dans les squats. Des mineurs bourrés cachés dans les squats. C'est pas un son, c'est une partie de notre histoire. Et si la jalousie a égorgé l'espoir. J'habite, j'hésite dans les 64. C'est la haine, la haine, on fausse de mer terrain. Chacun son pécule, c'est comme au Capla. J'habite, j'hésite dans les 64. C'est la barre de la haine, dans tous les quartiers. Désolé monsieur, là jamais j'ai pas la black card. J'hésite dans les 64. C'est la barre de la haine, on fausse de mer terrain. Chacun son pécule, c'est comme au Capla. J'habite, j'hésite dans les 64. C'est la barre de la haine, dans tous les quartiers. Désolé monsieur, là jamais j'ai pas la black card. C'est la haine, c'est chaud, on fausse des mer terrain. Chacun son pécule, c'est comme au Carpla. C'est la vente de stup dans tous les quartiers. Désolé monsieur, là jamais j'ai pas la placard. Pour le mec sous gun qui arrache le terre-terre. Quand la dalle qui fausse au dépôt son castan. Pour le mec du tout, comme ma belle fille sous. Qu'on essaie du soir, mais pire qu'un cartage. Dans la ville on va lider, dans la ville on va nuire. Dans ma ville c'est spé, claqué déséquilibré. Des bras qui m'en mêlent après, qu'on des recours sous les pieds. Qui disent comme tes porcs, mais qu'on rien à célébrer. Pour les mecs qui ont jamais fait de sport, les bas années qui tordent. Des Sénégalais régalés qu'on la force à musclore. Dans nos rues c'est folklore, mais j'ai vu des bygores. La famille c'est pas du ciné, j'ai pas de popcorn. Hey, tu veux tester la clique, viens du mordor. Sur un hors-bord, PS bar blindé comme les transports. Les couches lasses dans la net et c'est l'ensemble. Les quêtes plates dans les hautes mais qui sont forts. Des 1-1 à l'arrache mais sans grand box. Le vacarme et les nuits sont sonores. Si t'entends plus de bruit, c'est la pause comme ça. Dans la nuit, je suis dans les patous. Brusqué, ça, son euro ressemble à celle de Brooklyn. Père, qu'on est bourré de gonfler les courses. Ensuite, pour toi, les nazos canons s'y est calé. Laisse comme un que mec a pété les ponts. Chez conquête, peu qu'on a quitté la rue des banques. Qu'est-ce qu'on se lève, y'a qu'à voir le fond des bâtiments. Gros, c'est la fin du gain que les années de raqueter les banques. J'traîne ma couleur et ben time, mais j'ai fait la guerre. On marche plus des kilomètres pour faire les millions de billigaines. Gastra les BPM, cash, t'aimes aller des gaines. Black, on est pour les terres, cash, mais c'est dans les veines. Prends tes clics et tes clac, clac, clac. N'a pas de sens, qui ne ramène pas de liasse, liasse, liasse. J'ai pas le temps pour vos histoires de clash, clash, clash. Ton rappeur préféré, il est tout falche, falche, falche. J'tourne mes clips là où tu te mangeais des pas, pas, pas. Au fond de la boîte, on est grave en place, place, place. Des you-vois, des missiles et des tasses, tasses, tasses. Pour un manque de respect, on te froisse, froisse, froisse. La dernière chose que t'entendras, c'est pas. J'envoie de la frappe. Ils sont dans la haisse, on est dans la boîte. Je rentre à l'hôtel, je m'endors dans une chatte. Au réveil, je la rebaisse, puis je compte la liasse. Tu me provoques sur Insta, mais en vrai, tu te caches, caches, caches. T'es perdu de vue dans le 9-2 et dans le 9-3-3-3. Chez nous, c'est plus chaud que le soleil, c'est le 9-4-4-4. Tu t'es pas fait dans la rue, tu m'étonnes grave, grave, grave. Tu m'écrases dans le carré, vif, ta meuf me mate, mate, mate. T'es en mode poule mouillée, t'as les mains moites, moites, moites. Tu pourras pas assumer, reste calme, calme, calme. Tu vas bouffer le trottoir, t'es sous jack, jack, jack. J'suis connu pour mon flow et pour port d'armes, d'armes, d'armes. Comme au 36 quai, j'ai rêvé de kilos de cam, cam, cam. T'es encore en croisé, t'es en retard, tard, tard. J'étais déjà dans le futur en 2004, 4, 4. Tu fuis Paname, des grosses équipes te traquent, traquent, traquent. Tu traînes à Miami, tu fumes du crack, crack, crack. Gangster, tu n'es à 40 piges, t'es barbare, bar. T'es un bête d'acteur, tu mérites un Oscar, car, car. J'ai refusé de poser sur autopsie 3, 3, 3. J't'ai mis à gauche car tu marches pas droit, 3, 3. Reparle jamais des darons, fils de lâche, lâche, lâche. J'ai pas le temps pour vos histoires de classe, classe, classe. Planète rap, 100% rap français. à découvrir un garçon qui s'appelle Quincy, qui fait partie de l'équipe Nouvelle École maintenant dans la nocturne 100% rap français. Et juste après, Tino avec Cosier aussi, découvrir dans la nocturne sur Skyrock. Hello, hello, c'est comment depuis la mèche blonde. Tu dis que t'es loin, c'est bon d'être loin, mais bolos, t'es loin d'être bon. Biggie, j'ai fait tout ça, je récidive. On m'a dit rajoute ta pierre à l'édifice. J'ai peur de rien, non, je rectifie. Peur de pas couper les ponts comme Lady G. Au-dessus des autres comme les branches. Je me lève en pépère, je fais ça sans suer. Faut te dire d'être riche quand tes impôts te coûtent un bras. Parole d'amputé. Oui, oui, oui, j'ai rien de ton idole. Tu me trouves bête, méchant et idiot. Puis je te baisse. Je m'essuie la queue sur tes rideaux. Je pose au feeling, moi je calcule peu. C'est pour méga clean ou crapuleux. Le bédo s'éteint, vas-y rallume-le. Consomme du shit quand t'as plus de vœux. Oui, j'ai signé ma Zeltov. Ferme la compte, la mater parle. Dis-toi que ma clique veut du lait. Je vitrine que dans les ruelles d'Amsterdam. Quincy, Quincy, c'est trop de se faire dans un seul homme. C'est moins de peine d'avoir une bonne sœur qu'une sœur bonne. Écoute mes textes, tes bouches, tes fesses, découpe des têtes, mes coupes, les pèses. Boy, on a cloué les mains de Jésus, moi je vais te clouer le bec. Bitch, dis-leur qu'on shoot sur les rappeurs factices. On fait mouiller les pétasses arides. Dis-leur qu'on shoot sur les rappeurs factices. Je prendrai soin de ta chatte parce que je suis tout l'inverse de Faris. Ce gros bouge t'es bourré, ce gros bouge t'es bourré, ce gros bouge t'es bourré, ce gros bouge t'es bourré, ce gros bouge t'es bourré. Bouge tes bourrées, je prendrai soin de ta chatte parce que je suis tout l'inverse de Farid. Non, je ne fais pas dans la vente de trim, je rappe de vendredi à vendredi. Yo, tu dis avoir la dalle, mais t'endors tu le ventre vide. Je vais tout péter dans les chats, même pénétrer dans des chats. Si t'avais peur de Jean-Marie, n'oublie pas que les chiens ne font pas des chats. J'avance solo dans le grand bain, c'est qu'on m'envie, je fais la diff. Tu peux checker mon groupe sanguin, je suis rempli de négatifs. Laisse les pompes et la Maybach, laisse les jacter sur mes tracks. Je perds un surprenant quand tu sais d'où je viens. Je suis comme un Pitchat. Nouvelle école, respect méga solide. Hier je pointais au chômage, today j'envoie mon rive à Sony. Je me parle comme Paul Pogba, je gratte que des rimes au Posca. De passage, que de passage, que de passage, dis-moi qui ne se démode pas. Rien à foutre, ça flop, j'ai pas peur de l'ombre. Madame la prof, je suis pas en retard, j'arrive à l'heure de Londres. Dis-leur qu'on fait du buzz, on fait de l'oseille. Je passe le big up à Van Gogh quand je dors sur mes deux oreilles. Dis-leur qu'on shoot sur les rappeurs factices. On fait mouiller les pétasses arides. Dis-leur qu'on shoot sur les rappeurs factices. Je prendrai soin de ta chatte parce que je suis tout l'inverse de Faris. Ce gros bouge t'es bourré. Ce gros bouge t'es bourré. Ce gros bouge t'es bourré. Ce gros bouge t'es bourré. Ce gros bouge t'es bourré. Ce gros bouge t'es bourré. Je prendrai soin de ta chatte parce que je suis tout l'inverse de Farid. Dans la cuisine, j'attends que tu fasses des pâtes. Toujours un temps d'avance, on fait jamais de faux départ. Y'a ceux qui agissent, y'a ceux qui les partent. Poto, je ferme mon blé en ne branlant rien comme le font les pâtes. J'suis dans la cuisine, j'attends que tu fasses des pâtes. Toujours un temps d'avance, on fait jamais de faux départ. Y'a ceux qui agissent, y'a ceux qui les partent. Poto, je ferme mon blé en ne branlant rien comme le font les pâtes. Dis-leur qu'on shoot sur les rappeurs factices. On fait mouiller les pétasses arides. Dis-leur qu'on shoot sur les rappeurs factices. Je prendrai soin de ta chatte parce que je suis tout l'inverse de Faris. Ce gros bouge t'es bourré. Ce gros bouge t'es bourré. Ce gros bouge t'es bourré. Ce gros bouge t'es bourré. Ce gros bouge t'es bourré. Ce gros bouge t'es bourré. Je prendrai soin de ta chatte parce que je suis tout l'inverse de Farid. C'est ton gars Quincy. Rap français, planète rap. La nocturne. Tout le monde les mots en l'air. Consigne à mort. Tino, 9-2-9-3. On vient reprendre le flambeau. Heureusement qu'il y a la trappe pour les sauver. Tous ces rappeurs de merde. Heureusement qu'il y a la trappe pour les sauver. Heureusement qu'il y a la trappe pour les sauver. Heureusement qu'il y a la trappe pour les sauver. Fin de la trappe, ils vont se sauver. Heureusement qu'il y a la trappe pour les sauver. Heureusement qu'il y a la trappe pour les sauver. Fin de la trappe, ils vont se sauver. Y'a a pas de fumée sans feu, pas de bagarre sans maquilla. Kino, dealer 2014, Bango Bako Kima. La Sidzer, c'est la jingle, t'as pas les couilles, faut quitter les allées. Tu vas, petit ou la taxe d'imitation te sera salée. Le savoir, c'est un Mundou qui prépare-toi de faire avaler. A bord du jack et de la faute, Kanyama. Oui, moi j'ai rien avalé. Heureusement qu'elle attrape pour les sauver. Bolos, tu te fais bé, pardon, reviens pas ici, y'a pas des AV. 92, 93, homme, on le fusion, Fumbo, la matouille. La journée, on est des MC et la nuit, on se transforme en Donkey. U2SY, Côte-Seine, c'est le drapeau que je vais hisser. La jeunesse pense à la vendetta à chaque fois que vous vieillissez. Je suis un rageur depuis tout petit, mes anciens m'ont bien dirigé. Rien que ça remix, c'est plus des MC, Nyama c'est des DJ. J'kenne ta meuf comme un bâtard afin que la mienne soit pas épuisée. La force de l'Afrique coule dans mes veines, pas besoin de pousser, Nyama. Heureusement qu'elle attrape pour les sauver. Tu seras peur de la merde. Heureusement qu'elle attrape pour les sauver. Tu seras peur de merde. Heureusement qu'elle attrape pour les sauver. Heureusement qu'elle attrape pour les sauver. Faire de la trappe, il faut se sauver. Heureusement qu'elle attrape pour les sauver. Heureusement qu'elle attrape pour les sauver. Faire de la trappe, il faut se sauver. J'ai déjà mon plan B. Tu connais déjà. Et encore sur ton plan Q. Quand il croche Chaga, j'éclate tous ces chers comme des boutons. Bah ouais, ça pue. C'est quoi ce rap, père? C'est quoi ce rap de merde qui les incite à prendre le microphone et jouer les gangsters? J'mets ma bite à couper, ils vont pas curer, c'est des grosses merdes. J'ai la même dame, mais pas le même délire que mes confrères. Tu connais les chats. Jure sur la vie de ta mère qu'elle meurt, elle me s'en fait rien. J'promets la réussite à ma mère, j'décide d'en parler. Non, ne pleure pas. Non, ton fils fonce, on retourne pas. J'les attends au tournant, j'ai capté le mouvement. Qu'on s'y battait les matons, les gars. Battez les matons, les gars. Fuck, tous ces jaloux. Enfin, je t'ai dit bête. Ils refusent les fils, ils débitent. Et même savent que tu nous froisses sur tous les tables. J'baffe ces cons, vas-y, cachez-les. J'rappe la force de mes HLM. DIN, cosy, du sale. Dans vos oreilles. Ta fin de Twin. C'est la fin du rêve. Ouvrez les yeux. Cosentino, Nyama. Heureusement qu'elle attrape pour les sauver. Tu seras peur de la merde. Heureusement qu'elle attrape pour les sauver. Tu seras peur de merde. Heureusement qu'elle attrape pour les sauver. Heureusement pour. Heureusement qu'elle attrape pour les sauver. Heureusement pour. Faire de la trappe, il faut se sauver. Heureusement qu'elle attrape pour les sauver. Heureusement qu'elle attrape pour les sauver. Faire de la trappe, il faut se sauver. Cette planète rap. La nocturne. Étrange, nécessaire à mes yeux, obsédé par la revanche sur la vie, comme si elle m'avait trahi ou banni de la liste. J'étais de ceux qui dansaient, l'insultant sur la piste. En fait, on est comme ces gens qui se mentent. La haine et le mal et la peur et son assistante. Même s'ils se cachent derrière l'offre et la demande. Amère est la récolte, si amère est la semence inutile. Nos luttes sont rendues, quelques euros saupoudrés. Lève une armée de vendus, prête à passer tous les voisins sur le fil du couteau. couteau. Au nom du baril, du fric et de Monsanto. Je ne sais plus comment le crier, des fois les mots me font défaut. Je prends le stylo, les syllabes deviennent des faux qui taillent leur élan. Comme un champ de tournesol, au sol comme l'école Yoshioka sous le pain parasol. Comprends quand j'étreins la paix si fragile. J'aime sentir battre son cœur tant son cou frêle est gracile. Marionnette, funambule, enfant de la ville. Au fond la vie ne tient qu'à un fil et pour ça je vends ses rimes comme un savon. On ne chevauche pas le destin à coups de bâton. On fera couler cette encre pour celles et ceux qui attendent. Je t'assure, aucune tempe au bout du canon. Et tous les jours, je vends ces rimes comme un savon. Qui vont tout pleuvre, tire le spot, volume à fond. Du mouvement intelligent, furtif et diligent. On n'attend pas la chance, on crée l'occasion. Et pour ça, je vends mes rimes comme un savon. Hein, yes. Je vends ces rimes comme un savon. Grandir sous le sceau du silence. Peu savent ce que c'est stresser lorsque la pression est immense. Quand ces murs prennent le relais des parents. Effarant, toujours à cran, transparent, rempli de vide. Si violent fut l'ennui, que vint l'envie de lire. Même quand les jours furent durs, furieuse envie de rire. Écrire, assis à table, là où tout semble si stable. Qu'on en oublie de songer au pire. Mes fables furent des havres dans mes étapes. Des orages d'amour qui éclatent dans mes étals. Puis vint la nuit à tous les étages. Mon père est parti nous aimer depuis les étoiles. Je n'ai pas su vivre, j'étais occupé à mourir. Souffler, voir le monde, je pensais trop à courir. Tourne la manivelle de cette boîte à musique. Parfois j'envie l'état de grâce de qui n'est pas lucide. Oublier, penser les plaies, voilà qui est sage. Car je survivrai pas à leur cage, mon âme un quetzal. Je sais ces mots, Mistral fera l'affaire. J'aurai l'impression qu'ils font le tour de la terre ainsi. Je vends ces rimes comme un savon. On ne chevauche pas le destin à coups de bâton. On fera couler cette encre pour celles et ceux qui attendent. Je t'assure, aucune tempe au bout du canon. Et tous les jours, je vends ces rimes comme un savon. Qu'ils vont tout pleuve, tiens le spot, volume à fond. Du mouvement intelligent, furtif et diligent. On n'attend pas la chance, on crée l'occasion. Et pour ça, je vends ces rimes comme un savon. On ne chevauche pas le destin à coups de bâton. On fera couler cette encre pour celles et ceux qui attendent. Je t'assure, aucune tempe au bout du canon. Et tous les jours, je vends mes rimes comme un savon. Je vends ces rimes comme un savon. Vend ses rimes comme un savon. On sort des tripes tout ce qu'on vit et ce que nous savons. La Nocturne. C'est La Nocturne. Après Akhenaton, on va rester dans le sud avec demi-portion et demi-parrain dans La Nocturne 100% rap français. Encore un sang malade, l'Angérien d'un gangstar. Vas-y planque le pétard, le reste on verra plus tard. Aïe aïe aïe aïe, la famille est grande, mais sache que aïe aïe aïe aïe, mon silence est un message. Vas-y roule un pétard, le reste on verra plus tard. À l'heure où l'argent facile arrive plus vite qu'une pizza. Non, ne joue pas avec les armes. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ok, allez, une pour elle et une pour toi. Et si on en grille une, juste manière de se poser. J'ai vu comment jouer les durs. Je voulais dire non, pas de parrain, ni aucune arme sous le pull. En avoir une, c'est simple, mais tirer, ça compte plus. Dehors, c'est H24, combien qui s'entretuent. Vu qu'avancer, c'est le but, mais personne prend du recul. Oui, les mêmes places qu'on occupe, oui, les mêmes postes qu'on récupère. Qui va travailler demain, qui va donc lâcher le stup. Gagner du fric, c'est sûr, demande à Oxmo, je t'assure. Car c'est la même à Paname, de 7 à la Côte d'Azur. Les paroles, les paroles, les parrains de ma rue. Ça vend du rêve dehors, chute, personne a vu. Non, non, non, personne a vu. Ouais, le milieu est corrompu. La famille est grande, mais tout change quand t'es adulte. Tu joues pas la mafia non plus. Dans ce cas-là, vaut mieux se taire. Un petit sang, c'est suffisant pour un petit air de gangster. Encore un sang de malade, l'Angérien d'un gangstar. Vas-y, planque le pétard, le reste on verra plus tard. Aïe, aïe, aïe, aïe, la famille est grande. Mais sache que aïe, aïe, aïe, aïe, mon silence est un message. Vas-y roule un pétard, le reste on verra plus tard. À l'heure où l'argent facile arrive plus vite qu'une pizza. Pam pam pam pam, non ne joue pas avec les armes. Aïe aïe aïe aïe yo. Économie suspecte, chantage contrebande, la police qui inspecte, charbonneurs et soldats, aux armes, au pif, la drogue vient de Cuba, donc ici par les liquides, pas de chèque ni de compte PayPal, le silence est un message, s'il reste sage, à l'heure où l'argent facile arrive plus vite qu'une pizza, débrouillard des panneurs, avec un grand dé, aux bosseurs et fournisseurs, qui ne laissent rien de côté, rigoler ça vaut de l'or, mais ne souris pas chez le joker, signe ton enterrement, c'est plus facile qu'un job certes, rime offerte, pas de fraude, le reste on verra plus tard. La prod est surtravaillée, demi-cause annonce t'as là. 34 c'est par là, encore un beat de malade. Les GG c'est ma life, par ici la brigade. Jouez pas la mafia, dans ce cas-là vaut mieux se taire. Un petit simple c'est suffisant pour un petit air de gangster. Encore un son de malade, non j'ai rien d'un gangstar. Vas-y planque le pétard, le reste on verra plus tard. Aïe aïe aïe aïe, la famille est grande, mais sache que aïe aïe aïe aïe, mon silence est un message. Vas-y roule un pétard, le reste on verra plus tard. Facile arrive plus vite qu'une pizza. Pam pam pam pam, non ne joue pas avec les armes. Aïe aïe aïe aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Encore un son de malade, non j'ai rien d'un gangstar. Vas-y planque le pétard, le reste on verra plus tard. Aïe aïe aïe aïe, la famille est grande, mais sache que aïe aïe aïe aïe, et mon silence est un message. Vas-y roule un pétard, le reste on verra plus tard. À l'heure où l'argent facile arrive plus vite qu'une pizza. Pam pam pam pam, non ne joue pas avec les armes. Aïe aïe aïe aïe. I feel the words, the tender aïe, trembling à tous les parents de Marie. Ceux qui sont partis trop tôt. Demi-portion. So 100% rap français. Planète Rap. La Nocturne. W. Gizmo. J'entends la voix des bobos qui résonne. Genre c'est la Zermi mec. On se lavait à 5 avec un chauffe-eau qui déconne. Je peux pas raisonner mes frères, ils ont vu la même merde. Longtemps j'ai critiqué mon père et j'ai bu la même bière. On est pas pire ou mieux qu'un autre. Même les gens pu ont fait des fautes. Y'a que devant Dieu qu'on jugera tous les péchés sur tes épaules. Moi j'ai servi de cobaye à toutes les marques de tease. Fils, j'ai vite compris que ça rime avec le mal de vivre. Clean, génération fuck tout, fais péter ton spa. Quand la rue te fait des appels, apprends à baisser ton gars. Merde, nous aussi on veut l'axe qui fait kiffer les meufs. Clio 3 à 13 000 balles et pourquoi pas une télé 9. Je rappe pas la rue, je rappe la vie moi. J'ai vu le tiers monde en France sur le tournage du clip de 10 mois. La vérité n'a qu'un seul visage. Vieille comme le monde mais tellement belle qu'elle a moins de rides que son miroir. Mec c'est l'anarchie, dans ma tête une pharmacie. Une barrette de cannabis et j'apparais comme par magie. Je rappe la merde et la panique, 3 balais que je déprave la zik. L'attaque est dévastatrice, malade mais je pédave ma weed. Normal, avec mes gars on vise le top. On sera premier des disques d'or dans la zone mais ils tirent de sport. La vie se corse, comme diraient les anciens, à force de tous traîner en chien, évidemment les petites morts. Merde, j'ai cogité là-dessus, obligé ça fume. Pour profiter de la vue, faut économiser la thune. Scolarité renvoie les chances qu'on n'a pas saisies. Pousse la gueule de l'emploi, pour ça qu'on est aux ascétiques. Villeneuve la Garenne, putain j'y ai laissé des frères. J'en ai des pansements au cœur, mais il faut que je reste fier. Ça bouge pas gars, les loups bougent à gars. Rêve de tout goût savoir, mes potos tout d'où ça va. Faut pas me casser les couilles en freestyle. J'rappe les foules sans qui parle, un petit de la tête. Qui veut brasser les sous sans vie grave. Et mes gremlins, ils savent que c'est pas l'issue. Y'a des solutions loin de la street et de ses salissures. J'kick et c'est quasi sûr que ma figure affichera des sourires si j'quitte mes vieilles habitudes. Ma tour des feux, j'm'appuie avec mes regueuvetons. Brave, mais depuis que j'ai pris du grade, bah ils veulent que j'tombe. Motherfucker, j'traîne en bas du bloc. Tu crois quoi, j'me ferai jamais balance par un mot. Affranchi des galères, garanti d'être à sec. J'attendris mes aspects, ralentis la zèbre. Et c'est là sans vivre à sec entre tollé ascétique. Je suis fier de la rage que mon projet a fait vivre. Où sont passés tous mes rêves? Moi qui n'avais que ça en fait. Rejoindre ma ville en jet. Besoin de la pille avant fête. Avec ma poisca, elle suit tous les lascars. Du falsa au calva. Youpi, j'ai mes paplas. Groupi, elle est sale star. Mon gars va, ça vient. Ouais, je suis gavé des envieux qui papotent pour trois fois rien. Je connais les squats bizarres où ça tape des cuits. Disons, vis bidon. Oui, chichon, même quand y'a les stars qui passent. Des déliés, des crimes, des récits et des histoires qui sont racontés. c'est parce qu'il y a des déciés, des riches qui vivent sans la compassion. Big grave et sensation d'être un homme libre quand les flics font des rotations. Ils tournent plus que Stromae. Oui, cousi, il faut mailler. Dans nos HLM, mec, c'est picouze, il faut papier. T'as qu'à demander aux déclans qui se font t'éclapètement à cause de quelques cloques et des vêtements. Merde, fais-moi fumer sur ton joint de bœuf. Tout va vite, on devient dust. J'ai qu'une bite, mais 15 dush. Tout gentil sous drogue, je crois que je suis baisé. Chaque fois que j'ai péché, il y a eu anguille sous roche. Et toutes ces envies nous forcent à faire des trucs illégaux. Oui, les gars, illégaux sur le déco, j'ai mis les go. Et je parle pas de petites bouffes, de tasses, bébiques, poules et blagues, béquilles, fouilles, t'es sage, mais non. Et quand j'écris, pique lourd et amené, Gizou et Dan, et je kick pour des années. Non, c'est pas fini, il se trouve que ça le fait. Petite bouffe et face, puis je m'y retrouve et ça me plaît. Ah, défoncer mais effronter, à démonter des sons, débloquer des fonds aux petits ouf des quartiers. Ah, arrêter les promesses, aucune ne sont tenues. La pudeur est toute nue, à 16 ans, arrêter les grossesses. Ah ouais, j'ai les poches pleines, c'est pas ce que dit le banquier. 10 ans que j'ai mes problèmes de fric et mon envie de chanter. Ah, 92 grave, gravé dans ma tête et ma cave et puis ma chefferie, ma cabre avec les refrais. Ça me fait penser qu'on sort pour danser comme s'ils demandaient une rançon. Les majors veulent te faire chanter. Wesh Gizmo, t'as la vingtaine, tu parles comme un vieux. Dis-nous c'est quoi le bordel. En fait, c'est qu'on est que des pions, admirés comme des dieux, invités à des cocktails. Et ça assombrit ma vision, qui est déjà foutue, coutue, un peu comme la tombe et la prison. Fouille pas dans ma vie, tu vas trouver beaucoup de salles. J'ai grandi dans des villes où on est formé au goût de schlasse. On est formé beaucoup clams, ou finissent handicapés. Marre des porcs et de tout ce drame qui nous donne envie de braquer. Nike a pas pris sa coche de contrefaçon. Hardcore et drôle de boisson, ma gorge est pleine de poison. Alors dis-moi qui va me stopper. Non, c'est pas ton gang de pute, maintenant qu'ils ont sucé tout le monde. Ils vont se laisser prendre de huc, y'a que des louftes dans le seau. Hache dans le jean, pas de balle dans le bide, que des couteaux dans le dos. Ouais, ça sent la putain de traîtrise. Ça fait longtemps que j'ai la maîtrise de leur vice et de leur bêtise. Demande pas pourquoi je les méprise, faut que ça marche avant que ça me les brise. Par le cash enfoiré de tes fils, que je mette les liasses dans mon lévis. Une billard pour mon pénis. On est des banlieues arts, habitués aux palpations. Les rappeurs, c'est des bimbos, y'a les formes, mais y'a pas le fond. Et je peux t'en citer des centaines sans identité. Mais dans ce game, y'a une quantité démentielle de petits gens friqués, c'est dans le zen. Merde, ils nous parlent de lance-roi. Sont jamais vu un œuf, à part pour se faire une omelette et la ramener à leur meuf. J'ai que des images de salauds, balance des freestyles de poireaux. Le peur, c'est comme chez moi. Donc, même en slibar, je barre toujours efficace quand j'arrose. Je suis venu pour tous les plier. Bah ouais, je m'en branle de votre lèvre, je suis avec les piliers. Faut une tisse, mais qui déchire, une solia dans la poche. Un petit équipier vif qui fait pas le jeu là quand ça se cogne. Et les spliffs défilent dans ma gorge, hystérique sans ma drogue. Mystérieux, je plisse les yeux dans ma grotte. On met du temps à faire le tour de tous nos fils. On a failli de papa poule, mais sache qu'on fera tout pour nous. Fils, on a le mort, on n'est pas venu pour jacter. Mes concurrents sont forts seulement à la course à pied. Avoue que ça le fait quand je la découpe. À bout de la fraîche, je m'en bats les couilles. Pars sur ma tête et voilà les couilles. Viendront danser sur ta dépouille. Et c'est garanti sur facture. Attentif, moi je suis plus un apprenti. Je suis un affranchi des fractures. La vente libre de carbure, ça enrichit mais pas sûr. En une perquise, tu perds la penderie, les voitures. C'est véridique, je te préviens. J'ai le seum, s'il m'annonce un cancer, y'a des chances que j'élimine le médecin. Des silhouettes de North Face se baladent dans le noir. Quand ça caille, sans tracas, ça bavarde dans le bar. Souvent dehors, quand la tour Eiffel se met à briller. Soudain des rêves de piller, nous parler, nous font frier. Problème d'identité, quand tu sais pas ton père c'est qui. T'as l'impression que l'enfer c'est toi, que le monde entier te persécute. La solution c'est de mettre les voiles avant de connaître le rest in peace. Il faut pas qu'on enrichisse le 5 étoiles de Belzébuth. Faut pas qu'on flanche, non. Franchement, je regarde le temps qui passe et je me dis qu'on a besoin de changement. J'agis étrangement, je voulais pas fauter, je voulais m'élever. On a saboté ma rampe de lancement. Et on n'est pas flemmards. On a trop donné sans rien recevoir. Enfermé dans des halls où ça chlingue le spa. Ils disent que Guise abuse est indécent. Je kick, je m'amuse, fils, t'as vu, y'a rien de méchant. Mais je crache des vérités. Ça dérange les uns quand ça fait plaisir aux autres. Bah ça représente les miens. Ceux qu'on a mis de côté, qui comptent pour du beurre, mais qui n'ont jamais chipoté pour travailler plus de 35 heures. C'est pour les petits frères, déboussolés. Je les vois charbonner tout l'hiver pour aller prendre des coups de soleil. C'est la crise, logiquement il faut que tu creuses. Le premier biais que tu croises, passe dessus mais pas en deux. Après la tease, leur a fait passer à la base. A commencé à faire la bise et à se chamailler pour que tu buzz. A ce qui paraît, ça fait du bise. Merde, ça vend de la beuh et puis des tasses. Mais dans pas longtemps, t'auras des rires. Moi, j'espère que t'as coffré du cash. Bouzou. C'est pour moi, pour tous nos disparus, pour tous nos enfermés, pour toutes les familles en deuil. Personne n'est à l'abri. Que Dieu vous garde, Inch'Allah. La Nocturne, avec Gizmo, 100% rap français. On est ensemble. zone sensible. Lui est passé cette semaine au 118 avec Soprano CRMS qu'on va écouter maintenant en freestyle, l'un des freestylers de la semaine. Tout de suite. Planète Rap. Knock. Sur Skyrock. Turne. One song only. R.A.M. apostrophe S, comme d'hab. On arrive en vitesse, comme d'hab. R.A.M. apostrophe S, comme d'hab. On arrive en vitesse, comme d'hab. R.A.M. apostrophe S, comme d'hab. On arrive en vitesse, comme d'hab. R.A.M. apostrophe S, comme d'hab. On arrive en vitesse, comme d'hab. Seulement tu savais, le ticket m'a rendu toqué. Pas la peine de baver, mais j'ai peur d'y rester bloqué. Si seulement tu savais, le ticket m'a rendu toqué. Pas la peine de baver, mais j'ai peur d'y rester bloqué. Okay. Ce n'est qu'un freestyle, pour te respire. Mais qu'est-ce que t'espères, le talent à Shakespeare. Le rap c'est pour déconner, prends pas ça au sérieux. Je fais dans tous les styles, qui peut faire mieux. J'ai chanté, rappé, mélange pop et rap. Je peux te faire réfléchir ou danser le bumper. Impossible de m'arrêter, n'essayez même pas. Fais pas le milliardaire si tu vends des Red Bar. N'en fais pas la sainte, j'ai cramé ton vice. Je vais me mettre la balle au fond comme Samuel et Tophis. L'instru c'est comme ma paire de pompes, toujours à mes pieds, ça tu le sais. Je serai SDF si depuis le temps poteau j'attendais le succès. Je me voile pas la face, je laisse ça aux sœurs en hijab. C'est la haie jusqu'au Niger, donc je dis hamdoulay quand je digère. La musique ça vient tout seul, faut pas forcer. Oui j'avoue c'est corsé, mon flow est amorcé. Il faut pas t'efforcer, oui on va divorcer. Si jamais t'es aussi connu que le musée d'Orsay. Les gens t'appellent que pour les intérêts. Ils disent qu'ils t'aimaient quand t'es enterré. 94 Aga, on va tout briser, pour toi c'est la pagaille. Je suis une machine, pas besoin de ta gueule. Tu vas vite abandonner la bataille. Makai, les MC sont pas de taille, comme Sarko. On veut que l'oseille, on veut pas être Tarko. Méfie-toi de l'eau qui dort, on va te noyer. On a mis le rap street, ça paye pas ton loyer. Est-ce que vous voyez, on va vous nettoyer. On a les crocs comme les darblés au foyer. Je suis un génie. Je dégaine mon flow, tout le monde à terre. Si tu réussis, les gens diront que t'es un vendu, vendu. Toi-même t'es choqué du freestyle que j'ai pondu, pondu. On apprend ses erreurs, je vais tout péter bien que c'est l'heure. Des terres comme nos grands-pères tirailleurs. De 3 millions et je me tiraille. Comme tu fais, on te fera. Il faut te réveiller, la vie c'est pas le peura. Faut te faire emballer tes rappeurs tout pérable. Avec ces imbéciles, jamais tu nous verras. Dédicace à Youyou, toujours enfermé. Mon ami, j'ai trop la rage, je peux pas la fermer. T'es ma comment je quitte, cousin, c'est bouillant. C'est véridique, je suis l'examen, t'es le brouillon. On m'a dit le taf, fait, tu vas tout casser. J'avoue, y'en a assez, ça commence à lasser. Il est temps de passer aux choses sérieuses. T'es tout gentil, fais pas le fou furieux. Je viens pas de la rue, c'est ma mère qui m'a fait. Pour 1000 euros par mois, j'ai pas envie de taffer. Ça fait, mon flow va les baffer. Cousine, fais pas taffer. Si tu sais pas faire à manger, couscous ou ma fête. T'as faut que t'arrêtes, vive à la galette. Tu vas fumer mes sons comme ta cigarette. R.A.M. apostrophe S, comme d'hab. On arrive en vitesse, comme d'hab. R.A.M. apostrophe S, comme d'hab. On arrive en vitesse, comme d'hab. R.A.M. apostrophe S, comme d'hab. On arrive en vitesse, comme d'hab. R.A.M. apostrophe S, comme d'hab. On arrive en vitesse, comme d'hab. Seulement tu savais, le ticket m'a rendu toqué. Pas la peine de baver, mais j'ai peur d'y rester bloqué. Si seulement tu savais, le ticket m'a rendu toqué. Pas la peine de baver, mais j'ai peur d'y rester bloqué. Explicite lyrics. Hein? On fait comment? T'es qui là dans la nocturne? Hein? On fait comment? Aïe! On fait comment? Aïe! On fait comment? What? On fait comment? Aïe! What? On fait comment? What? On fait comment? Les boîtes qui ferment, les boss qui dégagent. On fait comment? Les retraites, le job qui paye cash. On fait comment? Ils veulent nous empêcher de parler, frère. On fait comment? Liberté d'expression, l'express, on fait comment? Emmanuel 5, répression. On fait comment? Pour installer ton nouvel offre, mec, tu vas faire comment? Ils gèrent leurs frais d'amende, c'est eux qui tiennent la commande. Mais vous pouvez vous la foutre dans le... Ça y sans faire comment? Avortement, mère seule, quand s'élever n'importe comment. Nabila syndrome, tous guidés vers l'entertainment. Fashion Week, Tweet, Instagram, Wikileaks, Facebook, NSA, t'as eux sur tous les sites. Nous faire marcher au pas, ils vont faire comment? Ils ont pas su qu'avec le temps et créer des bombes à retardement. Troisième guerre mondiale, plus qu'un seul gouvernement. Au sommet c'est le diable, mais y'a pas assez d'armement. Conflit avec l'islam, c'est fini les Allemands. Mentalité Genghis Khan, je les attends mais salement. C'est leur gueule qui parle, mais c'est leur fauve qui tient le manche. Hillary Clinton, oui c'est bien leur chalement. Iran Poutine, tu vas faire comment? Nord-Sud mec, ça se pousse fortement. Dehors les gens sont prêts, ils savent plus faire comment. Vous savez bloquer des notes, vous bloquerez pas l'affrontement. Yes. On fait comment? Hein? On fait comment? Hein? On fait comment? Bien, les gens sont prêts, ils savent plus faire comment. On fait comment? Hein? On fait comment? Hein? On fait comment? Bien, les gens sont prêts, ils savent plus faire comment. On cherche la réussite sans GPS, OMS. On se fait un nom avec ses fesses. Les petites gaines toutes boulimiques. Bientôt la France sera comme les steaks. Ça se nourrit de saloperies chimiques. McDo, KFC, Grec. Y'a plus personne qui a le fion propre. Ça fait plus d'un siècle qu'ils nous enlèguent. Grâce à la fin, vu notre époque. Et vu l'état de la planète. Tire de roquettes, ça se complie au sol. Révolution, puis internet. Printemps a fait fleurir tes tombes. Kadhafi, une balle dans la tête. Bientôt la fin de l'euro. Garde ton or. Fin des chemises des fédéraux. Bientôt qu'une armée, mec, donc qu'un seul corps. Les généraux n'ont plus de grade, guidés par le même son de cloche. On est des merdes, t'es guidé, tout s'affaiblit sous le Porsche. IBM, Amazon, rien que ça passe les commandes. Cerveau lobotomisé, mec, on sait déjà qui commande. On t'incite à miser, à te faillir comme un Comanche. Sur endettement, pas de quoi s'alcooliser, plus de discernement. Saloperie sur des gosses et pas d'enfermement. Fournirait du trou des passeurs qui répondent à leurs demandes. Range ton taser, ça l'Elysée que ça se passe. Y'a autant de crapules en col blanc, garde crapules dans le rap. Ils veulent qu'on dérape pour faire leur putain de débat. Faut que leur analyse de merde, leur journalisme vibre. Montée de révolutionnaire, on avance, on plie pas. Laisse les crever en gestionnaire, ça va trop vite, ils suivent pas. On fait comment? On fait comment? Hein? On fait comment? Bien, les gens sont prêts, ils savent plus faire comment. On fait comment? Hein? On fait comment? On fait comment? Bien, les gens sont prêts, ils savent plus faire comment. Bitch! Mr. Tiki Tiki. Appelle Jackie et Michel qu'on fasse un film avec les femelles. Crache dans la gueule, cassage de hutte, de gueule et de fémur. Prépare-toi à courir mec, la haine fait des émules. Le vent annonce la révolte du peuple envers tous ses cellules. Aïe. Yes. On fait comment? On fait comment? Car les gens sont prêts, ils savent plus faire comment. % rap français. Yes. Yes. Yes. V-A-L 2 heures, gros suspect, béton camouflage. J'vois les flics à 3 heures, occupe les vides, ça sent l'outrage. Même sans taser, y'a de l'ambiance électrique. Écraseur de crâne de grec, fric, le béton crame, on réplique, on les canne, lève le majeur. Faut niquer les rageurs. Faut sortir le croco chargeur, plein dans les locaux, naseur. Un autre, il prend de la laser. Le filtre est marocco, la 90 Air Max, la joue Kaiser. S'oser les fumes marocco, j'rappe à la faveur des halls explosés de nos vies locaux. Varial, col blanc rouge, navigator. Guerreville, si commissariat, lâche la colle. Dans le split, son alligator. Y'a des bouettes, survêtre, Roland Garros. Roule, fais les fils du carrosse. Fin de zourette, file à Châtelet, racole. Trois quarts, cuir et paulette, j'puis en vis à Sarro. J.M. Weston, Scott Cosmos, Kaya 90. police se questionne, on dit rien, c'est violent, mais c'est pas elle, elle est l'état dramatique. Soirée coupe-gorge, descente RERD, coupe-gorge, bon puissant, pile à embrouille, pente glissante, tu seras poil, t'es en couille, t'as merdé. 9, 5, cartonné blanche basket, Fred Cartier, monture en bois. Grosse lancée, flash jaquette, rat quartier, tricard, traîne toujours en bas. Villian et Chirac, Manapani, l'escalampe et l'équipe à l'ancienne. Balade dans l'équipe, reste pas là, ceux qui portent Calcani, Eli Hansen. Wide Rebook, classique, pas de bout, tu peux te faire droiter si tu l'abîmes. Ah, le coin est gâté, bip bip, moi je te rappelle si je trouve une cabine. Je te paye si je trouve une combine. Sur la tête de mon pop Lacoste, viens on va s'ambiancer, copine, pose négro, faut d'arranger l'extincteur et la crosse. Chapelle droite, yes, yes. Billie Jean, Billie Jean, garde ton Levi's, les baskets blanches vidées. Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean, garde ton Levi's, les baskets blanches vidées. Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean, garde ton Levi's, les baskets blanches vidées. Kaira dans le sang, on peut pas changer. On l'a dans le sang, on peut pas changer. Kaira dans le sang, on peut pas changer. On l'a dans le sang, on peut pas changer. C'est Juicy P dans la nocturne. Et la frappe que je peux date, elle vient de la lune, elle vient de la lune, elle vient de la lune, et la verte que je peux date, elle vient de la lune, elle vient de la lune, elle vient de la lune, elle vient de la lune, par les frais, tire sur ces négros comme si c'était rien, si c'était rien, flow extraterrestre, pas les coups de ces terres, mon cœur est glacé, négro, je ne suis plus humain, mon couteau no ken, je fais des tractions d'une main. Comment je rappe, comment je rappe, c'est inhumain, c'est inhumain. Même si son mort, on changera de les inhumains, c'est inhumain. Une poignée d'entre résistent, négro, allume-les. À coup sûr, ils voudront partager le calumet. Bing, bing, bing. Les jours de paix, égal à jour de paix. Alors je dois faire la guerre pour que le rap me paie, trouver la paix. Trouver la paix. On augmente les ampères, les ampères. LMC, on fait bouger la tête de l'enfer. Et on se poussera devant ça une paix. C'est des transformes la maison des négros en sangle au cimetière. Quand billard et civière, et si elle est bonne, si elle est bonne, on se tapera à l'infirmière. Scarlatte, c'est pas cassable. Venir nous tester, pas cap. T'es pas cap, pull boy cassable. Venir nous tester, pas cap. Tester, pas cap. Tester, pas cap. Pour les MC, ce sera macabre. Ce sera macabre. Ce sera macabre. Et je fume la frappe sur des cadavres. Et les frappes sur des cadavres. Elle vient de la lune, elle vient de la lune, elle vient de la lune, et la terre que je pédale. Elle vient de la lune, elle vient de la lune, elle vient de la lune. Fume tes salopes de négro comme si c'était rien. Peu extraterrestre, pas les coudes, c'est rien. Pour ces flocs comme meurent aujourd'hui, pas demain. Du sang sur mes Nikes et de la poudre sur mes mains. Comment je vis, comment je vis, toi tu peux pas, toi tu peux pas. À 100 à l'heure, pour la tourner, ne crée pas. Côté obscur d'ambition, je veux devenir un troupa. J'suis pas un petit, regarde-moi bien, mon gars, te trompe pas. De vrai, c'est devenu dur de pas finir des négros. C'est comme j'avais plein temps de pouvoir garder le contrôle. Viens pas chez nous faire le show. Entre refroidi, bouillon, bouillon, meurt leur chant. on se couchera devant son personne. Ça transforme la maison des négros en sanglant cimetière. Peu importe le nombre de fois qu'ils essayent, de fois qu'ils essayent, les négros ne meurent pas, reposer avec rage et purité. Pas qu'à ça, venir nous tester, pas qu'à tester, pas qu'à depuis le bac à ça, venir nous tester, pas qu'à tester, pas qu'à tester, pas qu'à pour les MC, ce sera macabre, ce sera macabre, ce sera macabre. Et je fume la frappe sur des cadavres, sur des cadavres, sur des cadavres. Elle vient de la lune, elle vient de la lune, elle vient de la lune et la terre que je pédale. Elle vient de la lune, elle vient de la lune, elle vient de la lune. Que je pédale, vient de la lune, vient de la lune, elle vient de la lune, elle vient de la lune, elle vient de la lune, et la merde que je pédale, elle vient de la lune, elle vient de la lune, elle vient de la lune, elle vient de la lune, vient de la lune, et la merde que je pédale, elle vient de la lune, vient de la lune, elle vient de la lune, elle vient de la lune, elle vient de la lune, et la frappe que je pédale, elle vient de la lune, vient de la lune, elle vient de la lune, elle vient de la lune, elle vient de la lune, vient de la lune. Elle est ma CDG, c'est la famille CDS. Rams à la prod. Cent rap français, planète rap. La nocturne. Noir sur blanc, pour de vrai on est gris. En minuscule de gauche à droite, car c'est comme ça qu'on écrit. On fait des ratures, c'est comme ça qu'on déprime. De la nourriture pour ton crâne, comme de la pâte qu'on pétrit. Faire mon refrain en chuchotant pour que les bas font le cri. Devenir comme ces darons aigris, non ce n'est pas mon pétri. On n'a jamais connu le meilleur, pourtant on affronte le pire. Si je fais du rap c'est pour tenir, j'ai pas d'autre façon de le dire. Leur discours ici c'est de la baisse, pour ceux qui méritent la chaise, faut quitter la thèse, piquer la caisse, travailler comme un club, soutiller de la caisse, c'est pas la joie, oui c'est la hesse, le rap c'est quoi, stripper la bête, chambre d'hôtel, oui des latex, te tirer les cheveux, t'as grippé la fesse, les entendre dire, je vais niquer ce rap game, délivrer la bête, pitié arrête, je veux kiffer la fête, me vider la tête, j'y t'en plaquette, et puis je fais avec, noir sur blanc, gris amer, pas de genoux, plié à terre, tu croyais quoi, j'ai signé ma pierre, tu ne pourras pas éviter la guerre, pluie et foudre, crise et averse, nuit et jour, j'écris des pages pleines, parce que moi je fais du rap inconscient, des coups de marteau pour briser ma chaîne. J'en ai marre de crier ma peine, faire le con et teaser ma taille. Mon rap c'est comme pétrir la pâte, moudre le grain, tisser la laine. Noir sur blanc, pour de vrai on est gris. En minuscule de gauche à droite, car c'est comme ça qu'on écrit. On fait des ratures, c'est comme ça qu'on déprime. De la nourriture pour ton crâne, comme de la pâte qu'on pétrit. Faire mon refrain en chuchotant pour que les bas font le cri. Devenir comme ces darons écrits, non ce n'est pas mon pétri. On n'a jamais connu le meilleur, pourtant on affronte le pire. Si je fais du rap c'est pour tenir, j'ai pas d'autre façon de le dire. Tu ne peux faire que des gros dégâts, même si t'as un tout petit gun. Il te faut des go, il te faut des grammes pour que ta soirée puisse devenir fun. Tu veux devenir un baron de la cesse, tu vas apprendre à souffrir seul. Tu veux avancer à fond la caisse, aller vite et puis mourir jeune. Toi tu parles du faux d'Assaproki, moi je te parle de la forme de Bitcoin, de Marine Le Pen à Sarkozy. Toujours les mêmes bornes qui gueulent, je suis toujours bordé des queues, gore et visqueux, fort délicieux. Voir des balles dans les corps des fliqueux, quand je rappe c'est comme des sauts périlleux. V'là le rappeur au flow précieux, moi je te parle de maille dans la poche. Quand les autres te font la morale, quand les autres et toi devant ta porte. Mais attention, je suis trop ténilleux, je suis comme une étoile en approche. Car la lumière n'est pas sans la force, Swift de gaffe et gras dans la roche. Noir sur blanc, pour de vrai on est gris. En minuscule de gauche à droite, car c'est comme ça qu'on écrit. On fait des ratures, c'est comme ça qu'on déprime. De la nourriture pour ton crâne, comme de la pâte qu'on pétrit. Faire mon refrain en chuchotant pour que les bas font le cri. Devenir comme ces darons écrits, non ce n'est pas mon pétri. On n'a jamais connu le meilleur, pourtant on affronte le pire. Si je fais du rap c'est pour tenir, j'ai pas d'autre façon de le dire. Noir sur blanc, pour de vrai on écrit. En minuscule de gauche à droite, car c'est comme ça qu'on écrit. On fait des ratures, c'est comme ça qu'on déprime. De la nourriture pour ton crâne, comme de la pâte qu'on pétrit. Faire mon refrain en chuchotant pour que les bas font le cri. Devenir comme ces darons écrits, non ce n'est pas mon pétri. On n'a jamais connu le meilleur, pourtant on affronte le pire. Si je fais du rap c'est pour tenir, j'ai pas d'autre façon que le dire. Planète Rap 100% Explicit Lyrics.

Encore un set de plus qui me sauvera un set dans le mal des sous. C'est sous nos semelles que tu finiras si tu me dois des sous. Encore un set de plus qui me sauvera un set dans le mal des sous. C'est sous nos semelles que tu finiras si tu me dois des sous. Sous ma semelle. La dure, cosy, oh, tu finiras sous ma semelle. La brute aussi, oh, tu finiras sous ma semelle. Fin de la nocturne avec à l'instant le son de Black Brut, Gradure et Cosy, SMS Remix Black Brut qui va pas tarder à débarquer dans la nocturne. Ce sera la semaine prochaine, à pas louper, juste après Difool. Dès lundi, Maska et son album Espace-temps à découvrir. Ce sera dans Planète Rap entre 20 et 21. Merci d'avoir veillé tard, merci d'avoir suivi la nocturne. Bon week-end, on tire le store et on se retrouve lundi pour Planète Rap ou la semaine prochaine pour la nocturne. Ciao. Skyrock, Rap R&B, non-stop.